Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Faulkner, des nouvelles du Sud. J'ai toujours terminé mes livres avec colère et avec fatigue, car ils sont tous ratés, ils sont tous des caricatures de mon règne. Si je n'avais plus que 15 minutes à vivre, ce serait pour enlever le superflu et laisser un livre un tout petit peu plus éternel. Cela veut dire, je ne désespère jamais. Allez, 30 minutes avec Faulkner, qui n'a guère quitté le Sud, où il est né en 1897. Pourtant, il n'a cessé de le détester, tout en ne pouvant s'empêcher de l'aimer. Sa petite ville, elle s'appelait Oxford, lui rendait bien ses sentiments. Néanmoins, le prix Nobel qu'il reçoit en 1950 impressionne un peu ses concitoyens. Ils ferment même leur magasin le lendemain de sa mort en 1962. Mais pas plus d'un quart d'heure. Aujourd'hui, Oxford est fier de faire visiter la vieille demeure coloniale de Faulkner, expliquant qu'il y a mené une vie de couple pétaradante. Enfin, ce fut en réalité un désastre interminable qui explique en partie ces innombrables crises de désespoir éthylique. Au vrai, Faulkner savait endurer. Il tenait étonnamment bien l'alcool. Il écrivait avec l'énergie d'un damné, des nouvelles pour faire bouillir la marmite et qui préparait les personnages et les situations, des livres. Et ceux-ci, aussi complexes que puissants, étaient habités par un désir prométhéen d'ouvrir de nouvelles voies à l'écriture. L'écriture de Faulkner, c'est un perpétuel tour de force. Mais sur une scène souvent étroite, il a en effet érigé sa petite région du Mississippi en un comté fictif. Un comté où la guerre de sécession ne s'est jamais finie. Elle est toujours là, devant les habitants, qui, selon qu'ils sont noirs ou blancs, se tiennent de part et d'autre de la fracture qui reste ouverte depuis le 19e siècle. C'est cet ennui de n'être que soi qui a donné à Faulkner l'envie d'écrire. Mais il est resté toujours cet homme enchaîné à une ombre qui lui était assignée, l'ombre du Sud. Où comment s'en débarrasser ? La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Bonjour à vous, Daniel Pitavi. Bonjour Jean Lebrun, merci de m'avoir invité. Vous avez participé aux 5 volumes des œuvres romanesques et puis vous êtes le seul responsable de la petite équipe qui a publié les nouvelles. Les nouvelles, les personnages en sont poreux avec les personnages des œuvres romanesques. Oui, tout à fait. Parce que, au fond, ce que conçoit Faulkner, au départ, c'est pas tellement un roman qu'un personnage. Il voit un personnage, il voit ce personnage se tenir debout et très souvent, cela finit par une nouvelle. Et c'est si vrai que Le bruit et la fureur a commencé, l'a-t-il dit, comme une nouvelle. Et puis ensuite, il s'est aperçu qu'il n'a pas tout dit avec la nouvelle, donc il a fallu écrire un roman. Mais il est vrai aussi que un bon nombre de ses romans sont faits d'un assemblage de nouvelles qu'il a quelquefois conclu pour rassembler tous les liens, toutes les ficelles, qu'il a conclu par une nouvelle. C'est le cas bon, d'un certain nombre de ces romans qui sont des romans disons des nouvelles, mais qui se répondent les unes aux autres pour faire un roman moins tenu que les premiers romans, si vous voulez. On va, puisque vous citiez Le bruit et la fureur, citer l'autre très grand roman, le plus considéré souvent, c'est Absalom. Absalom, nous sommes dans les lendemains de la guerre de sécession. Enfin, la guerre de sécession, elle n'a jamais fini dans cette petite ville qui ressemble à Oxford, la ville de Faulkner, qui, je le rappelle, avait été occupée et dévastée par les nordistes. L'hiver de 64 à présent. L'armée en retraite à travers l'Alabama, puis la Géorgie. Maintenant, ils venaient de laisser la Caroline derrière eux, et bon, l'officier pensait, ou bien nous allons être pris et anéantis, ou bien le vieux Joe va nous tirer de là et nous établirons le contact avec Lee devant Richmond, et alors nous aurons au moins l'avantage de pouvoir nous rendre. Puis un jour, il y pensa brusquement, il se rappela que le régiment de Jefferson, dont son père était à présent colonel, faisait partie de l'armée de Longstreet. Et à partir de ce moment-là, peut-être la retraite lui sembla-t-elle n'avoir pour but que de l'amener à portée de son père, d'offrir à son père une dernière occasion. Oui, on est là tenu par le passé, le père. Faulkner parle souvent de son grand-père, de son arrière-grand-père, qui sont des ombres, des fantômes qui nous accompagnent et qui nous tiennent par la main. Paradoxalement, moins le père que le grand-père. Au fond, je crois qu'il n'a jamais eu une très grande estime pour son père, mais les figures qui l'ont inspiré, ça a toujours été le père et l'arrière-grand-père, parce que, au fond, ça avait été des soldats, des guerriers, des officiers. Ils avaient fait la guerre. Et je crois que l'image d'un ancêtre qui fait la guerre, font, ça lui était indispensable pour lui qui n'avait pas réussi à la faire. Mais lui, il avait voulu la faire. Il avait voulu la faire. Mais la missis est arrivée au moment où il allait être prêt à la faire. En 1918. Donc il a été toute sa vie frustré de la guerre. Et je crois que c'est pour cela que un si grand nombre de ses romans et de ses nouvelles tournent autour de la guerre, c'est-à-dire qu'il lui a fallu dire en mots la frustration de ce qu'il n'avait pu être dans la vie. Il voulait être aviateur. Il voulait être aviateur. C'est intéressant. Parce qu'au fond, l'aviation, d'abord, c'était l'arme à la mode, si vous voulez. Mais surtout, c'était un combat d'homme à homme. Alors, ce qu'on voit dans toutes ses œuvres, au fond, quand on voit la guerre, ce ne sont pas des masses. Au fond, il connaît, la guerre de 14, il l'a jamais connue. Il ne peut pas en parler comme Genevois. Il ne sait pas ce que c'est que la vie dans les tranchées. Pour lui, la guerre, c'est toujours, au fond, la prolongation de la guerre de 70, c'est-à-dire des affrontements d'homme à homme. Et dans tous ces livres, ce qu'on voit, c'est l'affrontement de deux personnes. On va parler peut-être de parabole tout à l'heure. Il y a un affrontement qui est là, le sommet sera, du livre, comme dans Absalom. Ça sera la fin de l'émission. Ça sera la fin de l'émission. Il faut qu'on cite quelques nouvelles, d'abord. Oui. Puisque c'est sur les nouvelles que vous avez travaillé ces dernières années. Combien d'années de travail, d'ailleurs, sur Faulkner? L'année de travail, j'ai commencé, je crois, il y a 20 ou 25 ans. C'est lui qui vous a sauvé. Bah, disons qu'il m'a fait vivre. Il vous a fait vivre. Tous les sens du terme. Ouais. Non, et les nouvelles m'ont fait tenu pendant 4 ans. Il n'y a pas de doute. Alors, l'une des nouvelles à laquelle vous tenez, c'est Septembre ardent, qui a été publié dans un recueil juste avant qu'il ne reçoive le prix Nobel de littérature. Septembre ardent, nous sommes toujours dans une petite ville. C'est toujours un peu le même type de ville dans l'essentiel de l'œuvre, avec un comté fictif. Oui, un comté fictif et sa ville. Le comté fictif, je vous laisse en donner le nom. Pardon. Ça se prononce comme ça s'écrit. Yorktopetof. D'accord. Et il y a une petite capitale avec sa banque, ses commerces. Et là, il a fait très, très chaud. Pendant des semaines et des semaines, nous sommes dans la touffeur d'un été qui n'en finit pas. La rumeur courait comme le feu dans l'herbe sèche. C'était quelque chose concernant Miss Minnie Cooper et un nègre. Et personne ne savait exactement ce qui était arrivé parmi les hommes qui, ce samedi-là, emplissaient notamment la boutique d'un coiffeur. Ce n'était pas Will Mace. Je connais Will Mace. C'est un brave nègre, incapable d'une chose pareille. Et je connais aussi Miss Minnie Cooper. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Yes. Une jeune fille? Oh non, elle a bien dans les 40 ans. Peut-être plus, et elle n'est pas mariée. C'est pour ça que je ne crois pas que... Croire, foutre. Qu'est-ce que ça veut dire, croire? Ne croyez pas à la parole d'une blanche plutôt qu'à celle d'un nègre? Je ne crois pas que Will Mace ait fait ça. Je connais Will Mace. Alors, vous savez qui l'a fait? Ben, qui c'est? Oui, voyons, messieurs. Est-ce que ces femmes qui vieillissent sans avoir réussi à se marier ne se figurent pas toujours qu'un homme veut... Eh ben, pour un blanc, vous êtes un joli coco! Vous ne croyez pas, hein? Pardon. Vous ne croyez pas? Accusez-vous une blanche de mentir? C'est la faute à ce sacré temps. Il n'a jamais fait si lourd. Ça suffit pour qu'un homme fasse n'importe quoi. Oui, il fait lourd. L'ombre est poisseuse. François Pitavi. Oui, ce Septembre Ardent, je trouve, c'est une des plus belles nouvelles de Faulkner. Et je crois que le personnage principal, finalement, c'est la touffeur de l'été. Et avec ce qu'on voit tout au cours de la nouvelle, cette espèce de ressassement des signes d'accablement dans ce paysage complètement épuisé. Et c'est cela, au fond, qui mène les différents personnages. Les différents personnages dans la boutique du coiffeur, qui est le lieu de socialisation, sont là, au fond. Ils ont peur du noir, parce qu'au fond, le noir, c'est l'image, une image qui est de virilité fantasmée, qu'ils craignent. Et dans la boutique du coiffeur, il y en a un qui dit qu'ils vont violer nos femmes. C'est ce « nos » qui m'intéresse. Ils vont violer nos femmes. C'est-à-dire qu'ils sont, eux, propriétaires des femmes blanches, et ils ont peur de cette virilité fantasmée. Il va être lynché, le noir. Il va être accusé lynché. D'être violé. Le Mississippi, c'est l'état le plus lyncheur des États-Unis. Écoutez, j'ai un chiffre là que j'avais noté. Entre 82 et 1930, plus de 500 noirs ont été lynchés dans le Mississippi. C'est l'état le plus lyncheur. C'est pas un des plus peuplés, hein, mais c'est un des états les plus lyncheurs, sinon le plus lyncheur. De Lyon. Lisant votre édition de la Pléiade, je vois que à un moment dans ses notes, Faulkner, puisqu'il a construit un comté fictif dont vous nous redonnez le nom, York-Neuf-Tonfin, il a imaginé combien il y avait de noirs et combien il y avait de blancs dans ce comté, et c'est pratiquement à égalité. Pratiquement à égalité. C'est difficile de dire à quel moment ça s'applique, parce qu'au fond, son œuvre couvre un siècle. Donc, il a donné ce chiffre-là, mais c'est vrai que au moins dans l'esprit des gens, il y avait plus de noirs que de blancs. Mais il ne faut pas que les Noirs imaginent qu'avec l'œuvre de Faulkner, ils aient un levier de libération, d'émancipation. Ce n'est pas ça son intention. Non. Oui et non. Je dirais, dans les romans, des romans comme Lumière Doux, il n'y a aucun doute que c'est un plaidoyer contre l'esclavage, contre l'avilissement du Noir. Même si à la fin le noir se fait égorger, si vous voulez. Dans sa vie, ça a été un petit peu différent. Je crois qu'il habitait dans le sud, il occupait une certaine position dans le sud, et il ne voulait pas que les choses se passent violemment, et il a écrit une lettre à un moment, je crois que c'était un journal, ou je ne sais plus très bien, où il dit « go slow ». Allez lentement, ne vous pressez pas, prenez votre temps. Et je crois que là, la position de l'homme public et celle du romancier ne sont pas exactement les mêmes. Il lui arrivait de quitter le Sud, par exemple pour aller travailler dans les mines de sel. C'est-à-dire Hollywood. Et il y a une frontière qu'il faut franchir en voiture. Il avait des grosses voitures souvent, hein. Cadillac, ça, il avait ça, non ? La biographie de votre ami Bestaken, qui est consacrée à Claude Hersch, et Aden fait l'inventaire de tous les moyens de locomotion dont il disposait, la frontière de la Californie. Il disait, il faut abandonner ici toute espérance. Il vivait ça très mal, la vie à Hollywood. Oui et non, allez-vous dire. Précisément, je vais vous répondre oui et non. Non, parce qu'il a trouvé des compensations sentimentales qui l'ont rendu très heureux, il n'y a aucun doute. Mais oui, parce que c'était un lieu, au fond, où il ne pouvait plus écrire, où il était pris par ce travail d'écriture de scénario, et ce qui le détournait de son vrai travail d'écriture. Et ça, on le voit très bien dans une nouvelle qui s'appelle « Eldorado », qui est traduit par « Pays de Cocagne », et en fait, j'ai repris le titre, moi c'est « Eldorado », parce que l'Eldorado, c'est le rêve, et c'est aussi la déception quand on arrive, parce que ce que l'on voit ne correspond pas à la réalité. Et la vision de la Californie qu'il montre est une vision d'une incroyable tristesse, finalement. Souvent, il était, comment dire, médecin des scénarios. Il réparait les scénarios des autres. Il n'était pas nécessairement crédité dans les génériques. Quelquefois, oui. Dans le port de l'Orgoise, je crois qu'il y a son nom. Il a fait cela parce qu'il a besoin d'argent, tout simplement. Hein. Il est parti à Hollywood. Et il disait toujours, c'était quand même les mines de sel. Le port de l'angoisse, c'est peut-être le film de lui. Le premier scénario était signé Hemingway, le second Faulkner. Le plus connu, c'est là que Lauren Bacall et Humphrey Bogart commencent leur duo. Et voici la chanson qu'interprète, il y a toujours une chanson dans un film de 1944, au meilleur moment, Lauren Bacall. happens this way. Maybe we really belong together, but after all, how little we know. Maybe it's just for a day. Love is as changeful as the weather, and after all, how little we know. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. L'édition de la Pléiade de Faulkner, sixième volume, volume de nouvelles, dont l'édition a été dirigée par François Pitavi, ici présent. Le port de l'angoisse, ça se passe en Martinique. En Martinique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'amiral Decoux garde la réserve d'or de la Banque de France, qui est là, qui aurait pu servir davantage que si elle avait été conservée dans des coffres au combat contre le nazisme. Je voudrais qu'on parle du rapport avec la France de Faulkner. Il a écrit à Hollywood un scénario en plusieurs versions, jusqu'à 1000 pages, consacré à De Gaulle. Oui. Sans De Gaulle, il n'y avait pas trop de De Gaulle dedans. Il n'y avait pas trop de De Gaulle. Bon, c'est un scénario bizarre. Je crois qu'il imaginait une fin qui est absolument extraordinaire, mais qui est tout à fait faulknerienne, où il y a deux personnages qui sont opposés, qui sont chacun sur les tours de Notre-Dame et qui se tirent dessus. Voilà, c'était, ça a été tout à fait une situation à la Faulkner, qui était un affrontement d'une personne contre une autre, au fond. Et c'est comme ça qu'il voyait la guerre. Il voyait pas des masses, il voyait l'affrontement de deux personnes. Il avait connu Paris en paix, puisqu'en 1925, il y a passé quelques mois, entre Saint-Sulpice, une tour, me direz-vous, et Montparnasse. Il était à deux pas, de toute façon. Et il y revenait de temps en temps. Alors après le prix Nobel, moment de triomphe quand même pour lui. Pour une fois, il a de l'argent, quoi. Oui, c'est la première fois. D'ailleurs, on remarque que à partir du prix Nobel, à partir du moment où il a de l'argent, il n'écrit presque plus de nouvelles. Il y en a très peu après 1950, alors qu'avant, il en écrivait parce que, au fond, il a besoin d'argent. Et une nouvelle pouvait lui rapporter plus qu'un roman. Ben, c'est quand même mieux de se faire découper en œuvres choisies et de pouvoir se promener à travers le monde. C'était un peu un agent du département d'État qui allait prêcher la bonne parole. Et puis pour le plaisir, il venait à Paris. Ici, une interview de Faulkner qui date de son dernier séjour. Nous sommes en septembre 1955. Le français de Faulkner, comment le qualifieriez-vous, monsieur le traducteur ? Disons, sympathique. Bon. Cheveux gris, moustache de même, confortable tweed renforcé au coude par du daim, pipe à la Simenon, tel est William Faulkner, écrivain américain et fermier, mais fermier qui a su intéresser ses serviteurs noirs au profit de sa terre. On dit l'univers de Faulkner comme on parle de l'univers balzacien. Voulez-vous, William Faulkner, nous définir, nous dire ce qu'est d'après vous cet univers? C'est le monde de tout écrivain. Son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire. Enfin bref, s'il fallait répondre en finesse à toutes les interviews, on n'aurait plus le temps d'écrire. Et s'il fallait découper la bulle dans laquelle on se met pour écrire, on n'aurait plus le temps d'écrire. Oui, absolument. Et on parle beaucoup à cette époque-là, je sais que vous ne vous étendez pas dans votre édition de la Pléiade sur le sujet de l'alcoolisme de Faulkner, parce qu'il y a l'apparence, le tweed, la pipe, le petit homme alerte et droit, et puis quand il va faire des tournées pour le département d'État, ou quand il descend de l'avion, il est souvent, mais alors, raide sous. Oui, je crois qu'il était remarquable, parce qu'il résistait admirablement à l'alcool. Mais disons, il en buvait dans les moments de désespoir, c'est très certain, parce que bon, sa vie de ménage n'était pas ce qu'il aurait pu attendre. Elle buvait aussi, donc ils buvaient tous les deux, et ils se crêpaient le chignon quelquefois. Et mais... elle jetait par la fenêtre de la voiture tel manuscrit. Ça, c'est inimaginable pour vous. Inimaginable, oui. Mais je dirais une chose, c'est que quand il écrit, il ne boit pas. On ne peut pas imaginer, en dépit de tout ce qu'on a pu dire, Faulkner écrivant « Le bruit, la fureur » ou « Absalom, Absalom » sous l'emprise de l'alcool. Tenir un roman aussi difficile que « Le bruit, la fureur » dans sa tête, c'est impossible avec de l'alcool. Il est vrai que une fois terminé, bon, il buvait à s'en rendre malade, quoi. Après « Le bruit et la fureur », qui a duré quand même plusieurs mois, il a bu comme c'est pas possible. Il s'est couché, quoi. Parce que les livres sont souvent extrêmement complexes, à tel point qu'il faut une carte, parfois, une chronologie, une généalogie. Tenez, on va prendre un dernier exemple. Vous aviez cité déjà le nom de Parabole. Parabole n'est pas encore traduit en français quand il vient à Paris en 1955, mais a déjà été publié aux États-Unis dès 1954. Ça se passe justement en France. Nous sommes quelques mois après l'intervention américaine pendant la Première Guerre mondiale. Il l'imaginait d'une façon, pour nous, peut-être un peu surprenante. Nous sommes au printemps 1918. La situation est très difficile pour les Alliés. Voici qu'un régiment se mutinerait. Alors, tout est toujours très complexe. C'est un caporal entouré de 12 disciples, oui, qui dirige cette mutinerie, qui manque de donner lieu à une fraternisation. Suivez toujours, même si vous n'avez pas de généalogie. Le caporal est en fait le fils illégitime du généralissime. Ils se sont jamais rencontrés. Mais ils vont le faire pour la première fois sur une colline où le silence de la guerre est enfin venu à tel point qu'on pourrait entendre le chant d'une alouette. Un homme qui avait commis un crime crapuleux fut déclaré coupable et condamné. Ce fut le matin même de l'exécution que l'assassin attendait presque avec une sorte d'impatience, comme s'il eût été quelque peu tourmenté. Et il demandait son expiation et recevait son pardon au moment même où il se rendait à la potence. Quand soudain, un oiseau vole vers ce rameau, s'y pose, gonfle sa petite gorge et se met à chanter. Alors lui, qui une seconde auparavant levait déjà un pied pour passer des peines et des douleurs de la terre à la paix éternelle, au havre céleste, au salut, se mettant à lutter pour libérer ses mains enchaînées, demain, l'an prochain, il y aurait un autre oiseau, un autre printemps, le même rameau couvert de feuilles nouvelles, et un autre oiseau pour y chanter, à la condition qu'il fût là pour l'entendre, qu'il pût seulement y être encore. Tu me suis? Oui. Alors accepte cet oiseau. Rétracte, avoue, dis que tu avais tort, que ce que tu as mené était mené. Tu n'as rien mené, tu as simplement participé. Une attaque ratée d'avance. Accepte de moi la vie. Demande grâce et accepte-la. Je puis l'accorder. Accepte cet oiseau. Dans cette adaptation TV de 71, signée Raymond Portalier, Louis Arbessier est le généralissime. Bon, le comédien qui joue le fils, le caporal Christ, c'est Olivier Perrier, mais on l'entend pas beaucoup. Hein. Il dit oui, ou peut-être va-t-il dire non à la proposition de son père. Il ne peut choisir que la mort. Je crois qu'il a, il y a une fascination de la mort, et le fils se sent condamné par le père. Et sa seule façon de résister au père, c'est finalement de mourir. Cette fascination de la mort, au fond, on la voit dès le début, dans Le bruit et la fureur. Le jeune homme, là, Quentin, voit la rivière Charles, et au fond, son désir, c'est de se jeter dans la rivière Charles, et de voir, au fond, ensuite, comme il le dit, le balancement de ses eaux dans les grottes marines. Dans Parabole, c'est la même chose. Le fils, au fond, il ne peut pas reconnaître son père et il ne peut que mourir. Et je crois c'est il choisit la mort. Et c'est cette fascination de la mort qui quand même intéresse chez Faulkner. Il a toujours été fasciné par la mort et au fond, l'alcoolisme, c'était peut-être sa façon de se noyer. Et quand il ne pouvait pas le faire autrement, on n'avait pas le courage de le faire. Mais puisqu'on parle de la guerre de 14, les gens du Mississippi, quand ils sont là, parmi les troupes américaines en France, il y a une différence, bien sûr, entre les Noirs et les Blancs. Mais quand ils sont morts, eh ben ça y est, la différence est abolie. Quand les nègres sont sous terre, ils ne sont plus nègres. Je ne suis pas sûr. Vous allez dire oui et non. Je ne suis pas sûr. La différence, elle est inscrite dans la mortalité des sudistes. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Et Faulkner, en ce sens, est peut-être moins un homme de son temps qu'un homme de l'héritage de son temps. Et c'est son héritage, ça remonte. Oui, mais attendez, le passé n'est pas seulement passé. Le passé est devant nous, chez Faulkner. C'est pas que ce soit un lecteur de Bergson, mais enfin. Non, il n'est pas devant nous. Il est toujours présent. Comme le dit un personnage dans, je crois, Requiem pour une nonne, le passé n'est jamais mort. Il est toujours ici. Et je crois que c'est le passé envahit le présent, étouffe le présent. Et ça, c'est vrai aussi chez Faulkner. Quand il est mis au tombeau, 80 personnes le suivent. Oui. Pas beaucoup de monde. Non. C'est étrange. Ouais. Mais Oxford ne lui a jamais été tellement reconnaissant. Mais le patron du drugstore l'aimait bien. Il avait quelques amis à Oxford, c'est sûr. Étrangement, les gens de sa petite ville ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Ben au départ, c'était un poète, si vous voulez. Et un poète, ça gagne pas sa vie. C'est pour ça que le père ne voulait pas qu'il épouse sa chérie. Donc dans le Sud, contrairement à ce que vous dites, où on se bat, où on écrit, où on gagne sa vie. Merci à vous, François Pitavi. Vous avez piloté le 6e volume, Les Nouvelles, le dernier de la monumentale entreprise de la Pléiade de publication de Faulkner. L'émission a été préparée par Inka Negulesco, avec à la réalisation Gaëtan Colli, à la technique Ludovic Asselot. Bon, on n'est pas là pour rire, France Inter va vous offrir un riche programme pénitentiaire. La marche de l'histoire, la semaine prochaine, en contrepoint d'une émission d'Arte, sera consacrée à l'univers concentrationnaire soviétique, au goulag, et sur un mode mineur, dans un instant, dans Affaires sensibles, l'histoire du bagne d'enfants de la colonie pénitentiaire de Belle-Île, qui a fait l'objet d'un projet de film qui n'a jamais abouti, de Prévert et Carnet, leur dernière collaboration. Au moins Arletty a-t-elle pu acheter à cette occasion une maison à Belle-Île.